Bobby Nadeau. Et là, l'officiel a été plaqué par plein chaud, alors qu'on empêche les gens d'intervenir au départ de Bobby Nadeau. Et là, c'est Roussel, ou plutôt Rio, qui s'amène au centre. Et là, Rio engage le combat avec Jonathan Roy. Et c'est un combat furieux. Ce que vous venez d'entendre, ça se passait le 22 mars 2008. C'était probablement notre vendredi saint pour les gens de la région et également pour la Ligue junior du Québec. Jonathan Roy qui s'en prend au gardien de but Bobby Nadeau. Et on va parler avec celui qui était à la description parce que le match était à la télévision à l'époque. Les Saguenayens avaient un match par mois, des Saguenayens à quatre saisons. Et ça avait donné que ce match-là était à la télé. C'est Michel Tifaut qui était à la description. Salut Michel! Oui, bonjour. Michel, tu te rappelles très bien de ce match-là parce que tu étais avec à la description avec Phil. Parle-moi de ce match-là. Comment vous l'aviez vécu là-bas? Ben, d'abord, les Saguenayens dominaient la série. Ouais. Et dans le fameux match du vendredi soir, du vendredi de Pâques, Patrick Roy, qui était l'entraîneur pour les Remparts de Québec, c'était Richard Martel qui était l'entraîneur des Sacs. Patrick Roy, lui, dans ses stratégies, c'est dit, parce que je pense que les Saguenayens venaient 5, 6 ou 7 à 1, là, et les Sags étaient sur le point de remporter une autre partie. Alors, Patrick Roy s'était dit, il faut que je renverse la vapeur. Alors, il avait décidé de faire des changements. Entre autres, il avait changé de gardien de but. Et Jonathan Roy n'était pas le gardien de but numéro 1 des Remparts de Québec. Il était le suppléant, c'était le second. Alors, Patrick Roy avait envoyé dans le filet Jonathan Roy, son fils, avec une commande bien spéciale. Alors, à partir du moment où Jonathan Roy s'emmène dans les buts, là, ça commence à brasser. Et là, il y a une bagarre qui est là, puis une deuxième bagarre sur la même séquence. Et pendant qu'il y a des bagarres, à un moment donné, Jonathan Roy traverse la glace au complet et s'en va charger complètement. Parce que Bobby Nadeau, lui, était resté debout devant son filet sans bouger. Et Jonathan Roy est entré solidement en contact avec Bobby Nadeau. Ouais. Et là, ben, ça en est suivi une bagarre. Mais il y a seulement Jonathan Roy qui se battait. Alors là, les arbitres s'en sont mêlés. Il y avait c'était une bagarre générale. Évidemment. Il y avait des bagarres un peu partout sur la glace. Suite à ces événements-là, il y a eu des suspensions. Jonathan Roy a été suspendu, Patrick Roy aussi. Mais ça a complètement changé l'allure de la partie. Parce que après cette rencontre-là, les Sags dominaient la série. On s'est en allé à Québec, les Saguenayens ont mangé une volée, et après ça, ils ont perdu deux matchs, puis ça en était terminé. Patrick Roy avait réussi sa stratégie de déconcentrer les Saguenayens de Chicoutimi. Alors, et si je me rappelle bien, Danny, c'était le week-end de Pâques. Oui, c'était le vendredi. Le week-end de Pâques, Danny, il n'y a pas beaucoup d'actualité, tu sais, et parce que les politiciens ne font pas de déclaration choc, il n'y a pas de conférence de presse. Ouais. Pendant tout le week-end à LCN, on avait repris des images et le son, puis c'est moi qui décrivais le match à TQS. Ouais. Donc, pendant toute la fin de semaine, on revoyait les images de la charge de Jonathan Roy, puis on entendait ma voix. Il y a plein de monde qui m'appelait, des amis de Montréal, puis partout au Québec, qui disaient « Hey Michel, on t'a entendu à LCN de la fameuse charge de Jonathan Roy. » Alors, ça avait fait parler tout le Québec pendant le week-end de Pâques. Alors, évidemment, c'est un événement qui va rester gravé, surtout ici pour les gens, les partisans des Saguenayens de Chicoutimi, parce que normalement, Richard Martel et les Sags auraient éliminé Patrick Roy et les Remparts de Québec. Mais ça avait complètement changé l'allure de la série. OK. Penses-tu que Bobby Nadeau aurait dû se battre? On va l'écouter après. Tu as parlé de Bobby Nadeau? Non, c'est parce que le FM 93 a parlé à Bobby Nadeau il y a quelques jours et on va vous passer l'extrait de cette entrevue-là. Honnêtement, là, ça n'aurait rien changé. Okay. Même si Bobby Nadeau... Tout ce qui aurait changé, c'est que Bobby Nadeau aurait été suspendu. Mais il avait été blessé un peu sur la charge de Jonathan Roy. Patrick Roy avait bien calculé son affaire. Mais même si Bobby Nadeau se serait battu, ça n'aurait pas changé grand-chose. OK. Est-ce que... Je pense, sincèrement. On va l'écouter d'ailleurs, Bobby Nadeau, interviewé par Dan Pou à l'émission L'avant-match sur les ondes du FM 93 il y a quelques jours. Donc, merci au FM 93 pour l'extrait sonore de Bobby Nadeau. Oui, je te dirais que peut-être pas la journée même. Je te dirais qu'au moment que ça s'est passé, c'est un peu moi-même qui voulais pas vraiment me blesser ou me faire sortir d'une série éliminatoire où ce que personnellement et aussi avec l'équipe, ça allait bien. Oui. Aussi, je suivais un peu les ordres de Richard Martel en même temps. Mais c'est sûr que les journées qui ont suivi, quand tu commences un peu à lire les commentaires et à voir les réactions des gens, que ce soit positif ou négatif, c'est sûr qu'à un moment donné, je m'étais dit, ben, j'aurais dû. Bobby. Donc, évidemment, Bobby Nadeau reconnaît que ça, il aurait dû se battre, mais ça l'avait complètement déstabilisé par la suite. Hein. Et penses-tu que. Parce que tu as parlé de LCN tantôt, tu as parlé de que ça avait fait la manchette, mais Patrick Roy, tout ce qu'il faisait dans la Ligue junior du Québec, c'était plus gros que nature. Hein. Ben, il était la vedette de la Ligue junior majeure du Québec. Il faut bien se le dire. Moi, là, dans les dernières années, j'ai vécu. Parce que pour Gilles Courteau puis le circuit junior majeur du Québec, d'avoir une grande vedette, c'est important, c'est intéressant. Mm-hmm. Tu sais, on a eu Vincent Le Cavalier avec Rimouski, on a eu Sidney Crosby. Après ça, ben quand il n'y a pas de joueur vedette, ben il faut s'accrocher à quelque chose. Quand Patrick Roy a décidé de coacher, de diriger Remparts de Québec, ben, tu dis que c'est un plus gros de nature. C'est Patrick Roy, avec Martin Brodeur, ce sont les deux plus grands gardiens de but de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Alors, il s'amène à Québec comme propriétaire, comme coach des Remparts de Québec. Donc, il était la grande vedette. Puis, en plus, Richard Martel, qui est aujourd'hui l'instructeur qui a le plus de victoires en Ligue junior majeure du Québec, lui aussi est un coach populaire et un instructeur vedette. Alors, ça faisait une série. Écoute, le Colisée de Québec, parce que c'était le Colisée de Québec, dans le temps, Centre Vidéotron n'était pas encore sur place. Le Colisée de Québec, plein. Puis sans Georges Vézina, ben plein au bouchon, là. Ah ouais, puis c'était une belle rivalité de la Légion du Québec. Il n'y en a malheureusement plus. C'est pas avec Philippe Boucher et avec Yannick Jean qu'on va quand même ramener ça, malgré que tout le respect. C'était deux personnes vraiment colorées, là. Puis ça, c'était... Si le Canadien nordique, le summum, c'était le ventre du Saint, ben le summum de la rivalité Saguenay-Remparts, c'était ça aussi, là. C'est ça. Et je crois autant que tu fasses le parallèle canadien-nordique, parce que à l'époque là, de la rivalité Remparts-Saguenayen, Patrick Roy, Richard Martel, ça pouvait se comparer en plus petit, là, mais ça pouvait se comparer, si on parle de rivalité, là, ça pouvait se comparer à cette fameuse série entre les Canadiens et les Nordiques de Québec. OK. Michel, penses-tu que Gilles Courteau aurait dû être plus sévère? Parce que là, il aurait pu être plus sévère à l'endroit des Remparts de Québec, parce que tout partait de Patrick Roy, là. Il aurait pu être plus sévère. Et tu sais, souvent les sanctions, on critique beaucoup les sanctions trop sévères ou pas assez sévères, mais souvent c'est pas assez sévère. Mais à l'époque, rappelle-toi, c'est qui la grande vedette de la Ligue junior majeure du Québec? C'est Patrick Roy qui remplit l'aréna. C'est Patrick Roy qui est la grande vedette, donc on ne touche pas aux grandes vedettes. Tu vois, Sidney Crosby ou Vincent Le Cavalier, quand tu es une grande vedette, on dirait que tu as plus de passes droits si tu réussis une mauvaise manœuvre ou un coup fumant. OK. Ben Michel, c'était des beaux... C'était pas nécessairement des beaux souvenirs, mais ça a marqué le Québec, ça a marqué la Ligue junior du Québec, ça a marqué la région, cette rivalité-là entre les Saguenay, les Chicoutimi et les Remparts de Québec. Donc, 10 ans déjà, le temps passe vite. Fait que un gros merci pour sa part sur les ondes de CKG. Ça fait plaisir, Danny. Merci beaucoup. Michel Tifo qui est à la description de ce match historique entre les Saguenay et les Remparts.